Chapitre 3e. Ce fut vraiment une singulière révélation. Depuis quelque temps, je travaillais chaque matin dès l'aurore un tableau dont voici le sujet. Un ravin profond, encaissé, dominé par deux talus de ronces et d'arbres, s'allongeait, perdu, noyé dans cette vapeur laiteuse, dans cette ouate qui flotte parfois sur les ballons au lever du jour. Et tout au fond de cette brume épaisse et transparente, on voyait venir, ou plutôt on devinait, un couple humain, un gars et une fille, embrassés, enlacés, elle la tête levée vers lui, lui penché vers elle, et bouche à bouche. Un premier rayon de soleil glissant entre les branches traversait ce brouillard d'aurore, l'illuminait d'un reflet rose derrière les rustiques amoureux, faisait passer leurs ombres vagues dans une clarté argentée. C'était bien, ma foi, fort bien. Je travaillais dans la descente qui mène au petit bal d'Étretat. J'avais par chance ce matin-là la buée flottante qu'il me fallait. Quelque chose se dressa devant moi comme un fantôme, c'était Miss Harriet. En me voyant, elle voulut fuir, mais je l'appelai, criant « Venez, venez donc, mademoiselle, j'ai un petit tableau pour vous. » Elle s'approcha, comme à regret. Je lui tendis mon esquisse. Elle ne dit rien, mais elle demeura longtemps immobile à regarder, et brusquement elle se mit à pleurer. Elle pleurait avec des spasmes nerveux comme les gens qui ont beaucoup lutté contre les larmes et qui ne peuvent plus, qui s'abandonnent en résistant encore. Je me levai d'une secousse, ému moi-même de ce chagrin que je ne comprenais pas, et je lui pris les mains par un mouvement d'affection brusque, un vrai mouvement de Français qui agit plus vite qu'il ne pense. Elle laissa quelques secondes ses mains dans les miennes, et je les sentis frémir comme si tous ses nerfs se fussent tordus, puis elle les retira brusquement, ou plutôt les arracha. Je l'avais reconnu, ce frisson-là, pour l'avoir déjà senti, et rien ne m'y tromperait. Ah, le frisson d'amour d'une femme, qu'elle ait 15 ou 50 ans, qu'elle soit du peuple ou du monde, me va si droit au cœur que je n'hésite jamais à le comprendre. Tout son pauvre être avait tremblé, vibré, défailli. Je le savais. Elle s'en alla sans que j'eusse dit un mot, me laissant surpris comme devant un miracle et désolé comme si j'eusse commis un crime. Je ne rentrai pas pour déjeuner. J'allais faire un tour au bord de la falaise, ayant autant envie de pleurer que de rire, trouvant l'aventure comique et déplorable, me sentant ridicule et la jugeant malheureuse à devenir folle. Je me demandais ce que je devais faire. Je jugeais que je n'avais plus qu'à partir et j'en pris tout de suite la résolution. Après avoir vagabondé jusqu'au dîner, un peu triste, un peu rêveur, je rentrai à l'heure de la soupe. On se mit à table comme de coutume. Miss Harriet était là, mangeait gravement, sans parler à personne et sans lever les yeux. Elle avait d'ailleurs son visage et son allure ordinaire. J'attendis la fin du repas, puis, me tournant vers la patronne, « Eh bien, madame le cacheur, je ne vais pas tarder à vous quitter. » La bonne femme, surprise et chagrine, s'écria de sa voix traînante, « Qu'est-ce que vous dites là, mon brave monsieur? Vous allez nous quitter? J'étions si bien accoutumés à vous. » Je regardai de coin Miss Harriet. Sa figure n'avait point tressailli. Mais Céleste, la petite bonne, venait de lever les yeux vers moi. C'était une grosse fille de 18 ans, rougeaude, fraîche, forte comme un cheval, et propre, chose rare. Je l'embrassai quelquefois dans les coins, par habitude de coureur d'auberge, rien de plus. Et le dîner s'acheva. J'allais fumer ma pipe sous les pommiers, en marchant de long en large, d'un bout à l'autre de la cour. Toutes les réflexions que j'avais faites dans le jour, l'étrange découverte du matin, cet amour grotesque et passionné attaché à moi, des souvenirs venus à la suite de cette révélation, des souvenirs charmants et troublants, peut-être aussi ce regard de servante levé sur moi à l'annonce de mon départ, tout cela mêlé, combiné, me mettait maintenant une humeur gaillarde au corps, un picotement de baisers sur les lèvres et dans les veines, ce je ne sais quoi qui pousse à faire des bêtises. La nuit venait, glissant son ombre sous les arbres, et j'aperçus Céleste qui s'en allait fermer le poulailler de l'autre côté de l'enclos. Je m'élançai, courant à pas si léger qu'elle n'entendit rien, et comme elle se relevait, après avoir baissé la petite trappe par où entrent et sortent les poules, je la saisis à plein bras, jetant sur sa figure large et grasse une grêle de caresses. Elle se débattait, riant tout de même, accoutumée à cela. Pourquoi l'ai-je lâchée vivement? Pourquoi me suis-je retourné d'une secousse? Comment ai-je senti quelqu'un derrière moi? C'était Miss Harriet qui rentrait, et qui nous avait vus, et qui restait immobile comme en face d'un spectre, puis elle disparut dans la nuit. Je revins, honteux, troublé, plus désespéré d'avoir été surpris ainsi par elle que si elle m'avait trouvé commettant quelque acte criminel. Je dormis mal, énervé à l'excès, en tête de pensée triste. Il me sembla entendre pleurer. Je me trompais sans doute. Plusieurs fois aussi, je crus qu'on marchait dans la maison et qu'on ouvrait la porte du dehors. Vers le matin, la fatigue m'accablant, le sommeil enfin me saisit. Je m'éveillai tard et ne me montrai que pour déjeuner, confus encore, ne sachant quelle contenance garder. On n'avait point aperçu Miss Harriet. On l'attendit, elle ne parut pas. La mère Lecacheur entra dans sa chambre, l'anglaise était partie. Elle avait dû même sortir dès l'aurore, comme elle sortait souvent, pour voir se lever le soleil. On ne s'en étonna point et on se mit à manger en silence. Il faisait chaud, très chaud. C'était un de ces jours brûlants et lourds où pas une feuille ne remue. On avait tiré la table dehors, sous un pommier, et de temps en temps, sa peur allait remplir au cellier la cruche au cidre dont on buvait. Céleste apportait les plats de la cuisine, un ragoût de mouton aux pommes de terre, un lapin sauté et une salade. Puis elle posait devant nous une assiette de cerises, les premières de la saison. Voulant les laver et les rafraîchir, je priai la petite bonne d'aller me tirer un seau d'eau bien froide. Elle revint au bout de 5 minutes en déclarant que le puits était tari. Ayant laissé descendre toute la corde, le seau avait touché le fond, puis il était remonté vide. La mère Lecacheur voulut se rendre compte par elle-même et s'en alla regarder par le trou. Elle revint en annonçant qu'on voyait bien quelque chose dans son puits, quelque chose qui n'était pas naturel. Un voisin, sans doute, y avait jeté des bottes de paille par vengeance. Je voulus aussi regarder, espérant que je saurais mieux distinguer, et je me penchai sur le bord. J'aperçus vaguement un objet blanc. Mais quoi ? J'eus alors l'idée de descendre une lanterne au bout d'une corde. La lueur jaune dansait sur les parois de pierre, s'enfonçant peu à peu. Nous étions tous les quatre inclinés sur l'ouverture, Sapeur et Céleste nous ayant rejoints. La lanterne s'arrêta au-dessus d'une masse indistincte, blanche et noire, singulière, incompréhensible. Sapeur s'écria. « C'est un cheval. Je vais le sabot. Il sera tombé cette nuit après avoir escapé du pré. » Puis soudain, je frissonnais jusqu'au moelle. Je venais de reconnaître un pied, puis une jambe dressée. Le corps entier et l'autre jambe disparaissaient sous l'eau. Je balbutiais très bas et tremblant si fort que la lanterne dansait éperdument au-dessus du soulier. « C'est une femme qui est là-dedans. C'est Miss Harriet. » Sa peur seule ne sourcilla pas. Il en avait vu bien d'autres en Afrique. La mère, le cacheur et Céleste mirent à pousser des cris perçants et elles s'enfuirent en courant. Il fallut faire le sauvetage de la morte. J'attachai solidement le valet par les reins et je le descendis ensuite au moyen de la poulie, très lentement, en le regardant s'enfoncer dans l'ombre. Il tenait aux mains la lanterne et une autre corde. Bientôt sa voix, qui semblait venir du centre de la terre, cria « Arrêtez !» Et je le vis qui repêchait quelque chose dans l'eau, l'autre jambe, puis il ligatura les deux pieds ensemble et cria de nouveau « Allez !» Je le fis remonter, mais je me sentais les bras cassés, les muscles mous. J'avais peur de lâcher la tâche et de laisser retomber l'homme. Quand sa tête apparut à la margelle, je demandai « Eh bien ?» comme si je m'étais attendu à ce qu'il me donnât des nouvelles de celle qui était là, au fond. Nous montâmes tous deux sur la pierre du rebord et face à face, penchés sur l'ouverture, nous nous mîmes à hisser le corps. La mère, le cacheur et Céleste nous guettaient de loin, cachés derrière le mur de la maison. Quand elles aperçurent, sortant du trou, les souliers noirs et les bas blancs de la noyée, elles disparurent. Sa peur saisit les chevilles et on la tira de là, la pauvre et chaste fille, dans la posture la plus immodeste. La tête était affreuse, noire et déchirée, et ses longs cheveux gris, tout à fait dénoués, déroulés pour toujours, pendaient, ruisselants et fongeux. Sa peur prononça d'un ton de mépris « Nom d'un nom, Calamaigre !» Nous la portâmes dans sa chambre, et comme les deux femmes ne reparaissaient point, je fis sa toilette mortuaire avec le balai d'écurie. Je lavais sa triste face décomposée. Sur mon doigt, un œil s'ouvrit un peu, qui me regarda de ce regard pâle, de ce regard froid, de ce regard terrible des cadavres, qui semble venir de derrière la vie. Je soignais comme je le pus ses cheveux répandus, et de mes mains inhabiles, j'ajustais sur son front une coiffure nouvelle et singulière. Puis j'enlevais ses vêtements trempés d'eau, découvrant un peu avec honte, comme si j'eusse commis une profanation, ses épaules et sa poitrine, et ses longs bras aussi minces que des branches. Puis j'allais chercher des fleurs, des coquelicots, des bluets, des marguerites, et de l'herbe fraîche et parfumée, dont je couvris sa couche funèbre. Puis il me fallut remplir les formalités d'usage, étant seul auprès d'elle. Une lettre trouvée dans sa poche, écrite au dernier moment, demandait qu'on l'enterrât dans ce village où s'étaient passés ses derniers jours. Une pensée affreuse me serra le cœur. N'était-ce point à cause de moi qu'elle voulait rester en ce lieu? Vers le soir, les commères du voisinage s'en vinrent pour contempler la défunte, mais j'empêchai qu'on entrât. Je voulais rester seul près d'elle, et je veillais toute la nuit. Je la regardais à la lueur des chandelles, la misérable femme inconnue à tous, morte si loin, si lamentablement. Laissait-elle quelque part des amis, des parents? Qu'avait été son enfance, sa vie? D'où venait-elle ainsi, toute seule, errante, perdue comme un chien chassé de sa maison? Quel secret de souffrance et de désespoir était enfermé dans ce corps disgracieux, dans ce corps porté, ainsi qu'une tare honteuse, durant toute son existence, enveloppe ridicule qui avait chassé loin d'elle toute affection et tout amour? Comme il y a des êtres malheureux. Je sentais peser sur cette créature humaine l'éternelle injustice de l'implacable nature. C'était fini pour elle, sans que, peut-être, elle eût jamais eu ce qui soutient les plus déshérités, l'espérance d'être aimée une fois. Car pourquoi se cachait-elle ainsi, fuyait-elle les autres? Pourquoi aimait-elle d'une tendresse si passionnée toutes les choses et tous les êtres vivants qui ne sont point les hommes? Et je comprenais qu'elle crut à Dieu, celle-là, et qu'elle eût espéré ailleurs la compensation de sa misère. Elle allait maintenant se décomposer et devenir plante à son tour. Elle fleurirait au soleil, serait broutée par les vaches, emportée en graines par les oiseaux, et chair des bêtes, elle redeviendrait de la chair humaine. Mais ce qu'on appelle l'âme s'était éteint au fond du puits noir. Elle ne souffrait plus. Elle avait changé sa vie contre d'autres vies qu'elle ferait naître. Les heures passaient dans ce tête-à-tête sinistre et silencieux. Une lueur pâle annonça l'aurore. Puis, un rayon rouge glissa jusqu'au lit, mit une barre de feu sur les draps et sur les mains. C'était l'heure qu'elle aimait tant. Les oiseaux réveillés chantaient dans les arbres. J'ouvris toute grande la fenêtre. J'écartai les rideaux pour que le ciel entier nous vît. Et me penchant sur le cadavre glacé, je pris dans mes mains la tête défigurée. Puis, lentement, sans terreur et sans dégoût, je mis un baiser. Un long baiser sur ses lèvres qui n'en avaient jamais reçu. Léon Chenal se tut. Les femmes pleuraient. On entendait sur le siège le comte d'Étrailles se moucher tout à coup. Seul le cocher sommeillait, et les chevaux, qui ne sentaient plus le fouet, avaient ralenti leur marche, tiraient mollement. Et le break n'avançait plus qu'à peine, devenu lourd tout à coup comme s'il eût été chargé de tristesse. Ainsi s'achève Miss Harriet par Guy de Maupassant.